بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du tout miséricordieux, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Puis retourne ton regard à deux fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent : quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ils dirent : mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit : Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent : si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. <t'en> إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez vos paroles ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur ? هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre ? Et voici qu'elle tremble. Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre ? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation ? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour ? Seul le Tout Miséricordieux les soutient, car il est sur toutes choses clairvoyant. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du Tout Miséricordieux ? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution ? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit ? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dis, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridiques ? قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا إنما أنا نذير مبين. Dis, Allah seul en a la connaissance, et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Dis, que vous en semble, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux ? Dis, c'est lui, le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Dis, que vous en semble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source ?